Vous écoutez Futur Simple avec Valérie Levé et François Grégoire et nous recevons maintenant Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval et nous allons voir avec lui comment les animaux et les plantes vont vivre les changements climatiques. Pourront-ils s'adapter ou est-ce que les changements climatiques vont forcer les processus de l'évolution? Bonjour Cyril. Bonjour Valérie, bonne année. Ben, bonne année également. Peut-être que la première question à se poser sur l'influence des changements climatiques, l'effet que les changements climatiques vont avoir sur l'évolution, l'adaptation des animaux, c'est peut-être de savoir quelle pression de sélection ces changements climatiques vont apporter. Bien, c'est évident que les pressions de sélection vont dépendre de la nature et des exigences de chaque espèce. Les pressions ne seront pas les mêmes pour une plante ou un animal, pour un animal marin ou un animal terrestre ou un insecte ou un mammifère. Mm-hmm. Donc, dépendant des besoins et de la position écologique dans un écosystème de chacune des espèces, les pressions vont être très différentes. Si on pense au cas classique de l'ours polaire, par exemple, mm-hmm. Le réchauffement climatique risque de réduire la banquise. La réduction de la banquise va affecter les ours et les phoques de façon différente. Pour les phoques, ça va les priver d'un substrat adéquat pour mettre bas, donc les jeunes ne pourront plus naître adéquatement. Alors que pour l'ours polaire, la pression de sélection va être sur le succès de chasse. Oui. Parce qu'ils vont avoir de plus en plus de difficultés à attraper des phoques. Donc, dépendant des exigences, de la nature de chaque espèce, les pressions vont être très différentes. Puis donc, ce qu'on voit là, finalement, c'est que les pressions de sélection, ça va bien au-delà de la température en elle-même. On pourrait penser il va faire chaud, les animaux vont aller au nord, là où il fera plus froid, ou peut-être d'autres circonstances, mais c'est bien plus que ça, finalement. C'est la disponibilité d'un support pour mettre bas ou la disponibilité de l'approvisionnement, la nourriture. C'est ça, la température, les changements climatiques eux-mêmes, que ce soit la température ou les précipitations ou l'intensité des événements météorologiques ou la durée des saisons ou quoi que ce soit, c'est sûr que ces changements eux-mêmes vont affecter directement un certain nombre d'espèces qui sont sensibles à ces paramètres, mais la plupart des effets vont être indirects. Si on pense au caribou, par exemple, c'est pas un accroissement de température de 2 ou 3 degrés, directement, ça les dérangera pas. Mm-hmm. Mais si ça nuit à la croissance des lichens dont ils se nourrissent en hiver, ou si ça nuit, ou si ça favorise la prolifération des insectes piqueurs qui déjà harcèlent des caribous et des parasites, bien, c'est sûr que là, le changement climatique, le 2 ou 3 degrés, dans le fond, le caribou, ça le dérange pas du tout, mais c'est par les effets écologiques indirects que ça peut le déranger énormément. Oui, donc c'est tout un ensemble qu'il faut voir. Puis là, donc on peut se demander comment c'est les animaux et les plantes. On parle souvent des animaux, mais les plantes aussi, il va falloir qu'elles s'adaptent. Et puis, si je fais un parallèle avec les humains, bon, quand on parle, nous, des changements climatiques, on dit qu'on veut les atténuer, on arrivera plus ou moins, donc il va falloir s'y adapter. Puis on dit, par exemple, on va construire des digues pour se protéger de la montée des océans. Mais évidemment, les animaux, ils vont pas construire de digues. Non, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir fuir et à trouver ailleurs les conditions qui leur conviennent, et à condition qu'ils puissent fuir? Ou est-ce que ceux qui ne peuvent pas fuir, il va falloir qu'ils évoluent là? Comment ça va se passer? Je ne peux pas répondre à ça sans faire le détour par la définition de l'adaptation en termes darwinien. L'adaptation en termes darwinien, c'est produit par la sélection naturelle qui change le pool génétique d'une population. Donc, les espèces peuvent s'adapter par sélection naturelle, à deux conditions. Il faut qu'il y ait une certaine variabilité à l'intérieur de l'espèce, une variabilité physique, disons, ou comme on dit, phénotypique, et cette variabilité doit correspondre à une variabilité génétique. Et deuxièmement, il faut que cette variabilité génétique corresponde à une variabilité du succès reproducteur des individus. Autrement dit, il faut que les individus qui ont une fourrure plus ou moins isolante aient un succès reproducteur plus ou moins grand, dépendant des conditions climatiques. Donc ça, c'est la véritable adaptation. Mais quand on dit que les humains vont s'adapter, nous, on s'adaptera pas en termes de sélection naturelle. Parce que, d'abord, les changements sont trop rapides et ensuite, la sélection est trop lente. La sélection, ça prend du temps. Et ce temps de la sélection ne se mesure pas en années, ça se mesure en nombre de générations. Si on compare, par exemple, une souris ou un lemming qui peut avoir 3 ou 4 générations par année, bien, il va évoluer beaucoup. Une population de lemming va évoluer beaucoup plus rapidement en termes darwinien qu'une population d'ours polaire qui a une génération à tous les 2 ou 3 ans, ou une population de gorilles qui a une génération à toutes les 12 ou 15 ans. Et puis pour nous, à 25 ans, on n'a pas le temps, là, c'est ça. Les changements sont trop rapides et la sélection est beaucoup trop lente parce que le temps de génération est beaucoup trop long. Donc, nous, c'est sûr qu'on ne s'adaptera pas dans ce sens-là. On va adapter l'environnement. C'est-à-dire qu'on va, on va résister, on va réagir, on va s'acclimater. L'acclimatation, c'est très différent de l'adaptation. Par exemple, si vous et moi, on déménage demain dans le désert, on va s'acclimater à la chaleur et à la sécheresse. C'est une acclimatation physiologique, individuelle, personnelle. Ou si on déménage en altitude, on va s'adapter, s'adapter, mais on va s'acclimater à la rareté de l'oxygène. Alors que, par exemple, les gens qui sont nés au Pérou ou en altitude, dans l'Himalaya, au Népal, ces gens-là qui vivent, qui sont nés là et qui vivent là depuis des générations, eux se sont adaptés par sélection naturelle à l'altitude. Autrement dit, dans le passé, leurs ancêtres qui étaient plus davantage aptes à vivre en altitude ont laissé plus de descendants. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui sont adaptés véritablement. Ouais. Alors que vous et moi, on ne s'adaptera pas aussitôt qu'on va redescendre. On va s'acclimater, mais dès qu'on va redescendre, c'est ça. Alors l'acclimatation, c'est individuel, c'est personnel, c'est phénotypique, c'est physique. Alors que l'adaptation, c'est génétique. C'est le pool génétique de la population qui change. Dans le fond, en termes d'adaptation darwinienne, c'est pas l'individu qui change. C'est l'espèce qui change. Oui. Parce que les individus plus aptes sont différents génétiquement des autres. Donc, éventuellement, toute l'espèce a changé. Donc, je comprends la nuance, mais ceci dit, je me dis, il y a des animaux qui ont une capacité de déplacement pour pouvoir migrer ailleurs, là où ils vont retrouver les conditions auxquelles ils sont adaptés. Et finalement, ils n'auront pas besoin de s'adapter davantage. C'est ça. Ils vont réagir individuellement. Ils vont se mettre à l'abri de cette pression de sélection en déménageant, chose qu'une plante ne pourrait pas faire. Donc, la plante n'a pas le choix, à moins de trouver une nouvelle façon de disséminer ses graines au loin. Elle va devoir s'acclimater et s'adapter sur place ou disparaître. Alors que d'une espèce à l'autre, les capacités à réagir, à s'acclimater, à se déplacer sont très différentes. Donc là, la pression de sélection, si on pense à une espèce qui est capable, par exemple, comme le caribou, de migrer sur des très longues distances, le fait de migrer sur une longue distance, ça atténue la pression de sélection, puisque c'est un peu comme quand les glaciers se sont retirés du continent nord-américain ou européen, mais ces espèces-là vivaient à la marge du glacier. À mesure que le glacier se retirait, bien, les espèces suivaient. Donc, elles vont réussir. Il y a des espèces qui vont réussir à faire ça. Donc, ne souffriront pas tout de suite du réchauffement climatique, mais éventuellement, ils vont en souffrir. Donc, ces espèces-là, provisoirement, vont se déplacer pour aller trouver les conditions qui leur conviennent, alors que d'autres sont un peu coincées sur place. Là, donc, elles vont devoir évoluer. La pression de sélection va s'exercer pleinement et il va y avoir évolution de ces espèces-là. Donc, elles vont devoir évoluer ou disparaître. Évoluer ou disparaître. Et évoluer, c'est dans le fond, quand les adaptations changent, l'espèce évolue. L'évolution, c'est le changement des adaptations. Le milieu change, l'espèce réagit, elle s'adapte, donc elle évolue. Donc, c'est un peu synonyme, là. L'évolution, en termes darwinien, comme je l'ai décrit juste avant, c'est synonyme d'évolution. Et est-ce qu'il y a des animaux aussi qui vont être capables de s'adapter, plus facilement de s'adapter? Alors là, je parle... Des fois, on se demande si on doit utiliser adapter, évoluer, en tout cas s'acclimater à un milieu, parce qu'ils ont ils sont plus plastiques. Donc, je m'explique peut-être pas très bien, mais il y a des animaux qui sont opportunistes, comme le merle, il va pouvoir manger à peu près n'importe quoi, alors que d'autres, comme le panda, est très inféodé à un type de nourriture. Donc, j'imagine que ceux qui sont plus plastiques vont pouvoir s'adapter plus facilement. Oui, absolument. C'est-à-dire que, encore une fois, faut pas s'enfarger dans le terme adapté. Plus l'espèce est plastique phénotypiquement, plus elle est généraliste. Par exemple, dans son régime alimentaire, moins elle a besoin de s'adapter en termes darwinien, parce que si la nourriture change, bien, elle va changer tout simplement, elle va manger autre chose. Alors que si l'espèce est très, très spécialisée sur un type d'alimentation, par l'exemple du panda dont on a déjà parlé il y a un certain temps, bien, cette espèce-là subit très fortement la pression de sélection, parce qu'elle est généraliste, parce qu'elle n'est pas... Pas parce qu'elle est généraliste, au contraire, elle est très spécialisée. Plus l'adaptation de l'espèce est pointue, spécialisée, plus c'est avantageux tant que les conditions ne changent pas. Mais si les conditions changent, ça devient un piège. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ces espèces-là? Elles vont disparaître ou alors il va y avoir une diversité quand même au sein de l'espèce qui va leur permettre d'être capable de manger autre chose? S'il y a suffisamment de diversité à l'intérieur de l'espèce, la sélection, si on veut en parler en termes personnalisés de la sélection, là, c'est pas comme ça que ça marche, mais pour se comprendre, la sélection va piger à l'intérieur de la diversité chez l'espèce pour favoriser les individus qui sont davantage aptes à ces conditions-là. Mais si c'est une espèce qui est spécialisée, la diversité est très réduite. Ah oui. Par rapport à une espèce qui est très plastique, qui a une grande flexibilité phénotypique. Mm-hmm. La flexibilité phénotypique, c'est-à-dire la capacité de l'individu à vivre dans une plus grande marge de conditions environnementales, bien, ça nous met à l'abri de la sélection. Mm-hmm. Ça met l'espèce en partie à l'abri de la sélection. Alors que l'autre qui a des adaptations rigides, spécialisées, eh bien, ça fonctionne bien tant que les conditions ne changent pas. Mm-hmm. Sinon, c'est la sélection est trop lente pour pouvoir l'adapter. Mm-hmm. Puis tout ça, c'est quand même un tout, parce qu'on disait, bon, c'est l'écosystème qui change, donc peut-être que les espèces vont trouver ce qu'il faut manger, mais ça ne veut pas dire que le succès reproducteur sera assuré, parce que peut-être le succès reproducteur aura besoin d'une autre composante dans le milieu qui aura disparu. Voilà, voilà. Par exemple, si on pense encore une fois à l'ours polaire, idéalement, se nourrit de grottes phoques. S'il y a moins de phoques, il va manger aussi la chair, il va manger les muscles. Et s'il y a moins de phoques encore, il va descendre vers le sud pour essayer de manger de la végétation comme un ours grizzly frais ou comme un ours noir frais. Mm-hmm. Mais s'il est contraint de se nourrir uniquement de végétation, par exemple, il va peut-être pouvoir survivre un certain temps puisque c'est un ours, donc il est en partie omnivore, mais il ne pourra pas se reproduire, il ne pourra pas faire les réserves de graisse, par exemple, suffisantes pour survivre à l'hiver et pour se reproduire, pour allaiter ses jeunes. Donc là, la pression va être tellement forte qu'éventuellement, les individus d'aujourd'hui vont arriver à survivre un certain temps sur ce régime alternatif, mais ils ne pourront pas se reproduire. Donc, à ce rythme-là, toute la population va disparaître. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'écosystème? Parce qu'il faudrait, c'est comme s'il fallait que tout l'écosystème parvienne à évoluer à peu près de la même façon pour rester homogène, et on sait que ça ne peut pas se produire. Ça ne pourra pas se produire. Il faut penser que chaque espèce est en équilibre avec son écosystème parce que cet équilibre a été construit et est maintenu par la sélection naturelle depuis des milliers de générations. Dans le cas des changements climatiques, particulièrement anthropiques, produits par l'homme, mais c'est évident que les changements sont tellement rapides qu'à moins d'être une bactérie qui a des temps de génération de 20 minutes, donc une vingtaine, 20 000 ou 25 000 générations par année, à moins d'être un animal ou un organisme vivant qui a un temps de génération très court, la sélection ne peut pas rattraper. Peut pas adapter suffisamment rapidement, donc l'espèce disparaît. Mmh. Est-ce qu'il y a... est-ce qu'on... Finalement, c'est comme si on avait un jeu de cartes, on brasse tout, puis on recommence tout, finalement. Oui, mais on peut pas tout faire. Non, c'est ça, on peut pas tout faire. Est-ce qu'on observe déjà des signes d'adaptation des espèces aux nouvelles conditions de milieu créées un petit peu, amenées par les changements climatiques? Bien, j'arrive pas à trouver d'exemple convaincant où il y aurait eu une adaptation darwinienne dans le sens qu'on a décrit juste avant. Oui. Mais il y a des ajustements. Par exemple, le cas de l'ours polaire qui arrive à étendre davantage son aire de répartition vers le sud. Mais c'est pas nécessairement payant de faire ça. Parce que, en même temps, dans le cas de l'ours polaire, entre autres, un des autres problèmes qui se pose, c'est qu'on a l'ours grizzly qui, lui, grâce au réchauffement climatique, dans son cas, il peut étendre son aire de répartition vers le nord. Donc, ça multiplie les occasions de rencontre entre les deux espèces. Et on connaît maintenant des hybrides, vu que ce sont deux espèces qui se sont séparées il y a moins d'un demi-million d'années, ou à peu près un demi-million d'années. Bien, on a des hybrides non seulement viables, mais fertiles entre les deux espèces, qu'on appelle des pislis ou des gros lards. Et ils sont marbrés? Ils sont marbrés, le crâne est intermédiaire, la fourrure sur les flancs peut être relativement pâle et sur les pattes relativement foncées. Le crâne est plus court, alors que celui de l'ours polaire est très long. Mm-hmm. Donc, on a un animal qui est intermédiaire. Et le fait qu'il soit non seulement viable, que les hybrides soient non seulement viables mais fertiles, ça constitue un peu comme une sorte de pollution génétique pour les deux espèces. C'est-à-dire qu'on réduit... où on change complètement le pool génétique de l'ours polaire et du grizzly, et éventuellement, une des deux espèces, la plus sensible des deux, pourrait disparaître à cause de ça. Il n'y aurait plus de véritable ours polaire, il y aurait seulement des hybrides. Mais éventuellement, le côté positif de ça, évidemment, c'est qu'on arrive peut-être à produire une nouvelle espèce. Mm-hmm. Une nouvelle espèce qui serait assez bonne pour survivre dans le nord avec les conditions qui sont changées, assez bonne pour survivre dans le sud, donc qui devient un petit peu plus généraliste. Mm-hmm. que des espèces d'origine. Mm-hmm. Est-ce que c'est pas ce qui se passe aussi un peu avec le coyote? On disait pas déjà dans une chronique où on parlait du loup et du coyote que c'était pas mal hybride et que... Oui, c'est ça. Le coyote était un peu comme, si on le compare à deux autres canidés proches parents, le renard et le loup, le coyote est comme intermédiaire entre les deux. Je vous dis pas qu'il est le résultat mm-hmm. de l'hybridation entre le coyote et le loup, mm-hmm. mais comme il est beaucoup plus généraliste que le loup, le coyote peut non seulement survivre, mais peut arriver à se reproduire sur une courte période en mangeant autre chose que de la viande, alors que le loup ne pourrait pas. Donc, le loup est beaucoup plus... Mais le loup aussi se nourrit de végétation, mais il peut survivre avec de la végétation, avec des fruits, avec des feuilles, etc. Mais il ne pourrait pas se reproduire. Alors que le coyote est plus généraliste, donc il est davantage capable de survivre aux conditions changeantes. Donc, une prédiction qu'on peut faire avec pas mal d'assurance face au changement climatique, c'est que les généralistes vont être favorisés. Oui, oui. Et dans, d'ailleurs, en parlant de régime alimentaire et du grizzly, de l'ours blanc, ils n'ont pas du tout le même régime alimentaire. Non plus. Le grizzly est plutôt herbivore. Ben, il mange des racines, je ne sais pas trop. En fait, tous les ours sont omnivores. Ouais. L'ours polaire est très fortement carnivore. Ouais. Alors que le grizzly est partiellement carnivore. Mm-hmm. Il est facilement capable d'abattre des grosses proies comme des wapitis ou des mouflons ou des orignaux même et s'en nourrir. Et il recherche des proies. Donc, c'est un omnivore. Il est beaucoup moins omnivore que l'ours noir, par exemple. Mm-hmm. Donc, chacun est spécialisé, mais disons que parmi les ours, les deux qui sont les plus hyper spécialisés, c'est l'ours polaire, vraiment carnivore, et le grand panda, herbivore. Mmh, ouais. Donc, le grizzly est comme favorisé ouais. face au changement climatique. Et l'ours noir, face au changement climatique, va être très favorisé. Parce qu'on a souvent tendance à penser aux espèces qui vont souffrir des changements climatiques, mais il y a des espèces qui vont en profiter aussi. Mmh. Oui, probablement. Et profiter, si je peux me permettre d'ajouter un petit commentaire là-dessus, ils n'en profiteront pas parce qu'elles sont préadaptées. Il faut faire attention à cet autre terme-là. Il y a une nuance très importante. La sélection naturelle est incapable de préadapter une espèce, dans le sens qu'elle est incapable de produire aujourd'hui des aptitudes qui vont servir seulement dans le futur. Mais il y a des espèces qui sont prédisposées. Mm-hmm. Vous voyez la nuance. Par hasard, l'espèce possède des caractéristiques, des aptitudes qui la prédisposent à survivre aux conditions qui vont venir. Mais ça, c'est du hasard. Oui, parce qu'on ne sait pas du tout quelles conditions. La sélection ne sait pas du tout quelles conditions vont venir. La sélection n'a aucune vision du futur. Elle agit seulement maintenant, ici, maintenant, et elle récompense les performances passées. Donc, si l'espèce est prédisposée à survivre aux nouvelles conditions, c'est par hasard. Ouais. C'est pas par préadaptation. Alors que nous pouvons nous préadapter. L'espèce humaine est capable de se préadapter. On est capable d'anticiper le futur, d'anticiper un besoin et de s'y préparer aujourd'hui, comme on le fait déjà un peu. On va construire des digues. On construit des digues avant que le niveau de la mer monte. Ouais. Mais ça, la sélection est incapable de faire ça. La sélection est un processus purement réactif, pas du tout proactif. C'est une grande différence avec nous. Oui, exactement. Et Cyril, je me demandais aussi, est-ce que les changements climatiques peuvent accélérer les processus de l'évolution? Oui, je dirais de deux façons. Une façon probablement mineure, c'est que comme les changements climatiques sont rapides, ça constitue, comme on disait tantôt, des pressions de sélection intenses chez certaines espèces. L'espèce qui survit à ces pressions de sélection va voir son pool génétique changer relativement rapidement. Donc, les changements climatiques peuvent accélérer la spéciation, disons. Mais ça, je pense que ça va être relativement rare, parce qu'encore une fois, les changements sont trop rapides et la sélection est trop lente. Mais du côté négatif, les changements climatiques peuvent accélérer l'extinction d'un grand nombre d'espèces. Donc, des grandes modifications, des grands bouleversements dans certains écosystèmes où la biodiversité va peut-être être aussi grande après les événements de réchauffement climatique, mais va être complètement différente. Un grand nombre d'espèces auront été exterminées. Certaines espèces en auront profité sans vraiment évoluer et d'autres auront vu une nouvelle spéciation qui fait germer des nouvelles espèces. C'est ça, parce que si on compare, par exemple, avec les bouleversements qu'il y a eu dans l'histoire de la Terre, la chute de la météorite ou d'autres, il y a eu une quasi-extinction, puis après ça a bourgeonné, après ça a explosé la biodiversité. Oui, c'est un peu un pattern ou un patron qu'on voit à très long terme sur les milliards d'années de l'histoire de la vie sur Terre. On a une certaine prolifération des espèces, surtout depuis le Cambrien, depuis à peu près 500 millions d'années. On voit une prolifération d'un grand nombre de formes. Ensuite, une période d'extinction avec certaines formes qui survivent et une nouvelle prolifération, mm-hmm. comme un buisson qu'on aurait taillé puis qui repousse, etc. Donc, on peut s'attendre à ce que ça arrive dans le futur. Mais là, on parle sur les millions d'années. Des millions d'années, oui. Ça ne sera pas au prochain siècle. On ne le verra pas. Non, nous, on ne verra pas ça. Nous, on verra éventuellement parce qu'on parle d'une sixième extinction. Oui, c'est ça. Bon, causé par différents facteurs anthropiques, peut-être pas juste les changements climatiques, mais la pollution, destruction des habitats, surexploitation de certaines espèces. Ouais. Ça, c'est sûr qu'on est dans une période, on est dans la sixième période d'extinction. Si on la compare aux autres, où il y a eu des taux d'extinction qui sont même parfois plus faibles que ce qu'on connaît maintenant. Mm-hmm. Et une des autres caractéristiques de cette sixième extinction, c'est que ça va très vite par rapport aux autres. Ah oui. Oui, c'est ça. Alors, peut-être que dans les autres cas, peut-être que l'évolution a eu le temps de rattraper les changements, mais là, comme on le disait, c'est moins sûr. Elle a eu le temps, mais là, on parle sur 10, 20, 30, 50, 100 millions d'années. Ouais. Donc, c'est pas du tout à la même échelle. Oui, c'est ça, ouais. J'allais ajouter, ça me suggérait une autre idée. On dit, le changement anthropique, c'est l'humain qui cause des changements profonds du climat. Mais c'est déjà arrivé avant nous, au moins quelques occasions. Si on pense, par exemple, au début de la vie sur Terre, jusqu'à il y a à peu près 2 milliards d'années, donc c'est quasiment le premier 50% de l'histoire de la vie sur Terre, l'atmosphère était très pauvre en oxygène. C'est vrai. Des organismes se développent, comme les cyanobactéries, le phytoplancton, et ensuite les plantes qui se mettent à produire beaucoup d'oxygène par la photosynthèse. Mm-hmm. Donc, l'atmosphère est complètement transformée, au détriment d'un très grand nombre de bactéries qui étaient anaérobies, donc qui vivaient en absence d'oxygène. Donc, pour elles, l'oxygène, c'était... du poison. C'était du poison, c'était totalement toxique, ça a été mortel. Mm-hmm. Mais ça a créé des opportunités pour l'évolution des autres formes qui sont parues après. Mm-hmm. Donc, un bouleversement profond, encore une fois, qui, à long terme... vu de notre point de vue, en tout cas, des gros animaux aérobies, c'était profitable. Mm-hmm. Mais ce qui est certain, objectivement, c'est que les écosystèmes ont été profondément perturbés et la biodiversité a changé complètement. Mm-hmm. Puis il y a une autre différence aussi avec ces changements climatiques, comme bouleversement, là, ces changements climatiques par rapport aux précédents, c'est que ça, c'est d'origine anthropique. Voilà. Puis, donc, si on dit que l'homme est un produit de l'évolution, à ce moment-là, est-ce que les changements climatiques sont un sous-produit de l'évolution? C'est une belle question. Ce qui est sûr aussi, avant de répondre à ça, c'est que vu que les changements, on démontre de plus en plus, à la satisfaction de la grande majorité des gens, que les changements sont anthropiques, on a donc, vu qu'on est responsable, on a donc une responsabilité aussi d'essayer de contrer et de minimiser les impacts. Mais pour répondre à la question, c'est comme si... dans le fond, c'est tout à fait vrai de dire que le réchauffement climatique, c'est un produit de l'évolution, puisque l'espèce humaine est un produit de l'évolution. Grâce à notre intelligence, ou à cause de notre intelligence, on a développé des technologies, on est devenu une surpopulation sur la planète, donc on cause le réchauffement climatique. Donc, le réchauffement climatique est le produit d'une espèce produite par l'évolution, donc c'est un produit de l'évolution. Et pour utiliser l'expression qu'utilise Richard Dawkins, le réchauffement climatique, c'est comme une expression phénotypique des gènes de l'humain. Mm-hmm. Un peu comme la toile de l'araignée. Ouais, ouais. C'est une expression phénotypique des gènes de l'araignée, le barrage du castor, etc. Sauf que la différence, c'est qu'encore une fois, dans notre cas, ça va très, très vite. Mm-hmm. Ces changements-là sont très, très rapides. Et donc, il y a une différence majeure. Et en plus, ces changements, pour les autres espèces, des araignées ou le castor qui a appris à construire un barrage a pu s'y adapter dès le début par sélection naturelle, donc il était en équilibre avec les proto-barrages au début, etc., alors que nous, on est complètement déconnectés de ça. Mm-hmm. Et pour le castor, le barrage et son étang et sa hutte sont très importants pour son succès reproducteur, alors que nous, ce n'est pas le cas du tout. Mm-hmm. Donc, il y a quand même une différence, là. Mais ce n'est pas faux de dire que les réchauffements climatiques ou les changements climatiques sont un produit de l'évolution, puisque c'est produit par une espèce qui, elle, est produite par l'évolution. Mm-hmm. Mais c'est un peu trompeur aussi comme façon de dire, parce qu'on pourrait croire que c'est causé par l'évolution, ça fait comme un peu comme si c'était un écrit, si c'était un but de l'évolution. Non, ça, faut se débarrasser. Alors qu'effectivement, faut se débarrasser de cette vision-là. Il n'y a jamais de projet. Ouais, il n'y a jamais rien d'écrit. C'est comme si c'était un processus normal de l'évolution, vu non. que c'est causé par un produit de l'évolution. C'est comme si c'était un peu un processus normal de l'évolution, alors que s'il n'y a rien d'écrit, c'est ça. Il n'y a rien d'écrit. Le futur n'est jamais écrit. C'est comme dans le passé, il y a 2 milliards d'années, les bactéries, il aurait très bien pu arriver qu'aucun organisme ne développe la capacité de faire de la photosynthèse. Donc, on serait encore au même stade qu'avant. C'était pas prévu, ça. C'était pas au programme. Il n'y a pas de programme. Mm-hmm. Il n'y a jamais de programme. Mm-hmm. Et ce qui arrive est imprévisible. Donc, c'est un peu pour ça que c'est difficile de prédire les impacts à plus long terme des changements climatiques. Oui, parce que ça se passe beaucoup plus rapidement. Ça se passe rapidement. Les espèces sont pas sensibles de la même façon. Mm. Puis les changements climatiques touchent pas seulement les espèces individuellement, mais les écosystèmes. Donc, tout ça fait que c'est très, très, très difficile de prédire. Mm. La seule prédiction qu'on peut faire, encore une fois, c'est que les changements vont être profonds. Mm. Puis on se demande aussi si... Parce que finalement, les espèces animales, végétales, qui vont devoir, entre guillemets, c'est pas vraiment un devoir non plus, qui vont s'adapter plus ou moins à ces changements climatiques. Donc, c'est comme si l'évolution allait agir sur elle-même. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si les changements climatiques sont un produit de l'évolution, finalement, l'adaptation des animaux à ces changements climatiques, c'est comme une action de l'évolution sur elle-même. On tourne un peu en rond. Oui, c'est peut-être un peu vrai. Si je comprends bien ton intervention, c'est un peu comme si on disait, dans le cas de presque toutes les espèces, le milieu change pour des raisons quelconques, et là, l'espèce doit s'y adapter par sélection naturelle. Dans notre cas, dans le cas qui nous occupe maintenant, c'est un peu différent. La sélection naturelle produit une espèce, c'est-à-dire l'humain, et cet humain, alors une espèce adaptée à son environnement au moment où l'espèce émerge, puis où l'espèce existe, mais cette espèce crée un nouvel environnement auquel elle est obligée de s'adapter. Mm-hmm. Donc, c'est un peu, il y a un peu un retour là, là-dessus. Oui, la sélection naturelle, c'est tout ça, c'est involontaire, c'est accidentel, mm-hmm. c'est contingent, comme on a dit mm-hmm. souvent, évidemment. Mais la sélection naturelle produit une espèce qui produit un environnement auquel elle est obligée de s'adapter, sinon mm-hmm. elle risque de disparaître. Mm-hmm. Donc, oui. c'est un peu unique comme situation. Oui, c'est un petit peu unique, ça nous fait réfléchir. Et donc, ben, en tout cas, merci beaucoup, Cyril, pour cette réflexion. Je pense qu'on va continuer peut-être de faire tourner les ménages là-dessus. Donc, merci beaucoup, Cyril. Bienvenue, ça m'a fait plaisir. Donc, nous étions en compagnie de Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval.